Enfin, le quatrième dit « Vous savez que je ne m'amuse guère à la maison. On ne me mène jamais au spectacle. Mon tuteur est trop avare. Dieu ne s'occupe pas de moi et de mon ennui, et je n'ai pas une belle bonne pour me dorloter. Il m'a souvent semblé que mon plaisir serait d'aller toujours droit devant moi, sans savoir où, sans que personne s'en inquiète, et de voir toujours des pays nouveaux. Je ne suis jamais bien nulle part, et je crois toujours que je serai mieux ailleurs que là où je suis. Eh bien, j'ai vu, à la dernière foire du village voisin, trois hommes qui vivent comme je voudrais vivre. Vous n'y avez pas fait attention, vous autres. Ils étaient grands, presque noirs, et très fiers, quoiqu'en guenille, avec l'air de n'avoir besoin de personne. Leurs grands yeux sombres sont devenus tout à fait brillants pendant qu'ils faisaient de la musique. Une musique si surprenante qu'elle donne envie tantôt de danser, tantôt de pleurer, ou de faire les deux à la fois, et qu'on deviendrait comme fou si on les écoutait trop longtemps. L'un, entraînant son archer sur son violon, semblait raconter un chagrin, et l'autre, en faisant sautiller son petit marteau sur les cordes d'un petit piano suspendu à son cou par une courroie, avait l'air de se moquer de la plainte de son voisin, tandis que le troisième choquait de temps à autre ses cymbales avec une violence extraordinaire. Ils étaient si contents d'eux-mêmes qu'ils ont continué à jouer leur musique de sauvage même après que la foule s'est dispersée. Enfin, ils ont ramassé leurs sous, ont chargé leurs bagages sur leur dos et sont partis. Moi, voulant savoir où ils demeuraient, je les ai suivis de loin, jusqu'au bord de la forêt, où j'ai compris seulement alors qu'ils ne demeuraient nulle part. Alors l'un a dit « Faut-il déployer la tente ?»« Ma foi non !» a répondu l'autre. « Il fait une si belle nuit !» Le troisième disait, en comptant la recette, « Ces gens-là ne sentent pas la musique, et leurs femmes dansent comme des ours. Heureusement, avant un mois, nous serons en Autriche, où nous trouverons un peuple plus aimable. Nous ferions peut-être mieux d'aller vers l'Espagne, car voici la saison qui s'avance. Fuyons avant les pluies, et nous mouillons que notre gosier, a dit un des deux autres.